écoutez maintenant Espace en Normandie. 15h07 sur Espace Normandie Picardie. Merci de nous avoir choisi. Dans quelques instants, le nouveau Sound of Legend. Ce sera Hold That Sucker Down, Kick avec Science, mais tout de suite Boosty, My American Dream sur Espace. Excellente journée à vous. Je marche en casquette, tout ça devient casse-pied. Des casquettes en basket. Pourtant, je l'ai voulu, j'ai casqué. Casse-tête, qu'est-ce qui m'a poussé à casser les codes? J'ai trop bossé, j'ai boycotté les coms. Et comme je gardais les mêmes potes à l'école, on se met dans les délires de l'époque. Médiatisé, j'arrive pas à réaliser. Médiatisé, au milieu des Champs-Élysées. Pour le rêve que je vise, j'ai cassé les portes et les vitres. Gardez le cap, j'fais mon rêve américain dans les bacs. Take you there to places far away. Can't

suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire, on a les yeux qui brillent. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire, on a les yeux qui brillent. But you never seen the pages that I left behind. Eye to eye with the evil, through the valley of death. It's really gonna know now, how far would you go now? Would you follow me, follow me, follow me, and hide in a secret place? Would you start ask questions, or would you trust this place? Would you follow me, follow me, follow me? Are you my ride and die? Would you cry or not cry? Don't lie. Would you miss me when I'm gone? Manon de Moon sur Espace Normandie Picardie, déjà 15h26 et dans quelques instants la demi-heure, mais tout de suite mode souvenir tube 80 avec Bonnie M et son River of Babylon. Excellente journée à vous sur Espace, soyez très très prudents sur les routes et puis n'hésitez pas, rendez-vous en magasin pour finir vos achats Noël, profitez des derniers articles restants. Espace, la plus normande des radios. Espace, en mode souvenir. En mode souvenir. By the rivers of Babylon, there we we'll be right back.

see the light within the dark trees shadowing what's happening. Looking through the glass, found the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until the beast out of world without the peace, facing a bit of the truth. La plus normande des radios. 15h47 sur Espace en Normandie et en Picardie. Merci beaucoup de nous avoir choisis. Ça fait vraiment super plaisir que vous soyez là. Dans quelques instants, LSD avec Turn the Cloud. Quelqu'un et son titre, ça ira mieux. Il cartonne énormément en ce moment et ça, on comprend pourquoi. Mais tout de suite, Nicky Jam, Will Smith et Israfi, Live It Up.

des Thundercloud sur Espace Normandie Picardie, déjà à 15h57. Et oui, le temps passe vite puisqu'on clôture déjà cette première heure ensemble avec un mode souvenir 90, c'est Mr People. Moving on up sur Espace, soyez très prudents sur les routes, passez une excellente journée et puis un très très bon week-end sur Espace. Espace, toutes les années 90 sont sur Espace. Bienvenue à tous les Normands, à tous les Picards qui nous rejoignent sur Espace en ce samedi 22 décembre. On est parti pour deux nouvelles heures ensemble. Excellente journée. Sur la plus normande des radios. Louis. Allez, c'est parti, on commence cette deuxième heure ensemble avec Jack Jones et Mabel et leur titre Ring Ring sur Espace. Espace, plus de sons, plus de tubes. Hello, you there? If you take me out tonight, I know you can change my mind. Yesterday we were over, but today I'm feeling closer to you. No more late night Ubers, baby. I'm not coming to your house, are you crazy? Ring, ring. Hello, you there? Real talk, you got me going crazy. Hello, you there? Are you out somewhere with your baby? Hello, you there? Real talk, you got me going crazy. Hello, are you there? You there? You there? Ring, ring.

best of the 90s. Écoutez, un pur son 90. Espace. Sur Espace Normandie Picardie. Justement, vous trouvez que vous n'avez pas assez de cadeaux durant cette période? Oh, et ben on va régler ça justement avec la ville des Andelys et Luciale qui vous propose l'opération Un Noël magique aux Andelys, et ça jusqu'au 24 décembre. Grosso modo, les commerçants vous proposent de gagner via des grattages ou des tirages jusqu'à 10 000 euros de cadeaux. Alors c'est quand même plutôt sympathique, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Espace. Tout en boîte. Salut, prêt de nouveau à sortir en Normandie et en Picardie ce week-end avec tout d'abord le saut, c'est à Rouen, Diner, Lounge, Club et bien sûr un agenda avec les meilleurs DJ nationaux et internationaux. Voilà ce qui est proposé. Les infos, c'est sur saut-rouen.com.

pisco con aventura y te lo dedico entero. Quedaron los besos y todos los planes. No sé si vivir o morir. Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí. Eres la única persona que yo quiero que se venga encima de mí. Mi libertad no la quiero, tampoco la vida de soltero. Yo lo que quiero es que quieran lo mismo que todos queremos. Tener una cuenta de banco con dígitos y muchos ceros. Hacerle el amor a diario y de paso gastar el dinero. Romeo Santos, El Farsente sur Espace Normandie Picardie, déjà 16h42. Et oui, le temps passe vite, on ne le voit vraiment pas circuler celui-ci. Dans quelques instants, Daddy Yankee avec son titre Dura, ou encore Marshmallow et Anne-Marie avec Friends, mais ça c'est juste après la pub. Donc ne bougez pas si vous ne voulez rien louper. D'ailleurs, on en profite pour vous faire un petit rappel, suivez-nous en masse sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou encore Instagram. C'est Espace Normandie qu'il faut suivre. Votre Intermarché de Noël vous propose d'écouter le prix du jour. Mais non les enfants, on va pas manger un chaton, mais un chapon. Un chapon. Jusqu'au 31 décembre, dans votre Intermarché, le chapon fermier Label Rouge Origine France, loué ou Saint-Sevé, est à 9,49€ le kilo, avec en plus 6€ en avantage carte par chapon. Intermarché Ponto de Mer, route de Bernay. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Selon approvisionnement en magasin, chapon d'environ 3 kilos. Modalité magasin participant sur noël.intermarché.com. Envie de produits du terroir? Le pressoir d'or à Boisemont, c'est tout ce qu'il vous faut, où il vous faut. Cidre, cidre rosé, cidre de glace, ou encore vinaigre de cidre et autres produits locaux. Plutôt sans alcool, le pressoir d'or vous propose également des jus de pommes pétillants ou à la framboise, frais et fruités. Pour les fêtes, pensez à offrir un cadeau original, un panier garni de délicieux produits. Faites votre choix sur pressoirdor.com et venez les retirer au pressoir d'or grâce à notre drive fermier. Nous vous attendons du lundi au samedi à Saint-Jean-de-Fresnel, Boisemont, sur la DC 1014, entre Les Andelys et Trépanny. Plus d'infos sur pressoirdor.com ou sur Facebook. Pour votre santé, bougez plus. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Cette année avec Volvo, c'est Noël suédois avant l'heure. Jusqu'au 31 décembre, la Volvo V40 suréquipée est à 295€ par mois sans apport. Location longue durée 48 mois pour une V40 signature édition 9, 40 000 km, entretien et garantie offert. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 décembre 2018, si accord Volvo Car Finance. Détails sur volvocars.fr. Volvo, JFC Normandie, rond-point de KR à Normanville. Dracar Plaisance, la navigation fluviale en toute confiance en Normandie.

la nuit porte conseil. On dit que la nuit porte conseil. On dit que la nuit porte conseil. Mais j'écoute rien, rien, rien. Sur Espace. Écoutez aujourd'hui ce qu'il s'est passé hier. Espace. 16h56 sur Espace Normandie-Picardie. On clôture cette deuxième heure ensemble avec un mode souvenir 80. C'est Jerry Halliwell, It's Raining Men sur Espace. Bienvenue à tous les Normands et à tous les Picards qui nous rejoignent sur Espace en ce samedi 22 décembre. On est parti pour une troisième et dernière heure ensemble. Bonne journée. Sur la plus normande des radios. Louis. Et c'est parti, on commence super bien cette troisième et dernière heure ensemble avec Martin Garrix et Mike Young et leur Dreamer sur Espace. Espace, plus de sons, plus de tubes.

you, baby. So I let you, baby. Wanna let you know I think I'm ready, baby. Think I'm ready now. Electricity, I'm flying into you. Think electric, baby. I will. Espace en Normandie. 17h17 sur Espace en Normandie et en Picardie. Dans quelques instants, Ayana Kamoura et son titre Copine, Black Coffee, David Guetta à Drive, mais tout de suite Jonas Blue et son Polaroid. Let me tell you how it happened. I wasn't looking for someone that night. No, I was never a believer. But you could fall in love at the first sight. But all of a sudden we loved and got lost in the moment. All of a sudden she's gone in the flesh of a light. I never was looking. I'll be looking for the rest of my life. We took a Polaroid. You signed your name upon it. I put it in my wallet, hoping I'd see you. Behind, and I can't get high enough to forget why I cry. sons, plus de tubes. Plus de sons, plus de tubes. Espace. Espace. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, trop tard, je suis trop loin pour toi. J'ai la plus bonne, bonne, bonne de mes copines. Oh mes copines, oh mes copines. Tu veux la plus bonne, bonne, bonne de mes copines. Oh mes copines, oh mes copines. Je veux que bomba. Barré, mais t'en veux encore. Toi tu crois viser dans le mic. Faudra trouver un alibi. Trop tard, trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, trop tard, je suis trop loin pour toi. J'ai la plus bonne, bonne, bonne de mes copines. Oh mes copines, oh mes copines. J'ai veux la plus bonne, bonne, bonne de mes copines. Oh mes copines, oh mes copines. J'veux que bomba. Camoura avec Copine sur Espace Normandie Picardie, déjà 17h26 et dans quelques instants la demi-heure, mais tout de suite Mode Souvenir avec un titre d'Irène Cara, c'est What a Feeling, tiré du film Flashdance. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, on vous le recommande fortement, c'est une vraie pépite ce film. Voilà, c'est dit. Et vous avez aussi rendez-vous à la Fabrique de la Risle jusqu'au 30 décembre pour une exposition vente de Noël, rien que du fait main en atelier, des pièces uniques ou des séries limitées pour des idées de cadeaux qui sortent de l'ordinaire. Voilà ce que vous propose la ville de Beaumont-le-Roger. Alors soyez au rendez-vous justement si vous cherchez des idées de cadeaux originales. Écoutez sur Espace les meilleurs souvenirs. Back in time. First, when there's nothing but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried. Silent tears full of pride in a world. écoutez Espace. La plus normande des radios. 15h30 sur Espace Normandie Picardie, du côté de Canapville ou encore même d'Amfreville, la campagne, ou même encore eh bien, de Passy-sur-Eure. Tiens, pendant qu'on y est, soyons fous. Et dans quelques instants, on écoutera David Guetta, Bébé Rexha, Say My Name, Maître Gims et Vianney avec la même. Mais tout de suite, c'est Benny Blanco, Calvin Harris, I Found You. There's anything I can do, 'cause I found you. I found you, 'cause I found you. I found you, 'cause I found you. Les sages et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Les gens qu'au fond jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de mille bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins et serré 10 000 mains. On peut aimer Brel et Meugui, aimer même nos ennemis. Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ses lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque. Bébé Rexha, J Balvin avec Say My Name sur Espace Normandie Picardie, déjà 17h40. Et dans quelques instants, on écoutera Angel et Romeo Elvis, Tout Oublié, ou encore les Maroon 5 avec Girls Like You, mais ça c'est juste après la pub, donc ne bougez pas si vous ne voulez rien louper. D'ailleurs, super nouvelle, on vous fait une petite piqûre de rappel, mais Lucial et la ville des Andelys vous proposent l'opération Un Noël Magique aux Andelys. Et oui, ça porte super bien son nom, et ça vous avez jusqu'au 24 décembre pour en profiter. Grosso modo, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est les commerçants de la ville des Andelys qui vous proposent jusqu'à 10 000 euros de cadeaux à gagner. Oui, vous avez bien entendu, 10 000.

Un jour j'oublierai tout. Amir avec longtemps sur Espace Normandie Picardie, déjà 17h55. Et la mauvaise nouvelle, c'est que le 15-18, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais on se retrouve dès demain à la même heure. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et on se quitte aussi sur un mode souvenir 90. C'est Ice MC avec Think About The Way. Merci beaucoup de nous avoir choisi aujourd'hui. Ça fait vraiment super plaisir. Profitez-en, finissez bien vos emplettes de Noël. Nous, on se retrouve dès demain à la même heure. Et puis, je vous laisse entre de très bonnes mains puisque c'est Dorian qui prend le relais. Je vais lui filer le micro dans quelques instants pour l'espace top 20, tout simplement. Allez, à toi, Dorian. Et puis, à demain, tout le monde. Espace. Redécouvrez les tubes. Me dip on the attack, fish I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya. Music is the vibe, so open up your eyes. Time is running out, so find the feeling. So find the feeling. So find the feeling. So find the feeling. Bum diggy diggy diggy bong diggy bong. Tout le monde, soyez les bienvenus sur Espace en Normandie, en Picardie. C'est le samedi 22 décembre, il est tout juste 18h. Sur la plus normande des radios. Dorian. Comme toutes les semaines à 7h6, on est reparti pour découvrir un nouveau classement Espace Top 20. Espace, plus de sons, plus de tubes. Top 20 Espace. Samedi 18h, le rendez-vous incontournable sur Espace. On est donc reparti pour ce rendez-vous totalement incontournable, l'Espace Top 20. Et cette semaine, on va retrouver en numéro 18 Eddy de Pretto avec Random, numéro 19 Martin Garrix et Mac Young avec Dreamer, et enfin numéro 20, il arrive dans quelques secondes, c'est Silk City avec Electway City. J'en profite pour vous rappeler qu'à Beaumont-le-Roger, à la Fabrique de la Rille, vous avez rendez-vous jusqu'au 30 décembre pour une expo et vente de Noël. Les lutins sont à la Fabrique de la Rille, vous y retrouvez plein de choses. Et puis Noël, évidemment, c'est lundi, le réveillon, mardi, on ouvrira les cadeaux. Ah, quel bonheur! Alors toute l'équipe d'Espace se joint à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Profitez de vos familles. Et j'en profite également jusqu'à lundi, du côté des Andelys, Luciel vous offre plein de cadeaux avec tous les commerçants. N'hésitez pas à en profiter, il vous reste 2 jours. Soyez prudents sur les routes, passez une bonne soirée. Voici Silk City numéro 20. Espace, top 20. Numéro 20. Falling into you, baby. Even electricity can't compare to what I feel.